à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre toute nouvelle chronique, La Cristoire du Catch. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé des origines du catch et nous allons approfondir aujourd'hui en parlant de différentes formes de catch dans différents pays au sens général. Bien sûr, nous développerons ce style en particulier en leur consacrant à chacun une chronique bientôt. Ceci sera donc la deuxième partie. Je vous souhaite une bonne écoute. Commençons donc par les États-Unis. Les premiers spectacles du catch sont apparus comme en Europe dans des carnavals et cirques peu après la fin de la guerre de sécession. La plupart des lutteurs ont appris la lutte à l'université et affrontaient des spectateurs, ce qui donnait lieu à des paris permettant au cirque ou au carnaval d'augmenter leurs recettes. Au début du XXe siècle, le sport aux États-Unis devient populaire et le public américain se passionne aussi pour le catch, notamment grâce aux exploits entre guillemets de Frank Gotch, qui, après être devenu le champion des États-Unis en 1904, a vaincu à Chicago le Russe George Hackenschmidt, qui lui est invaincu en Europe. Il l'a battu en 1908 dans un match qui a duré un peu plus de 2 heures. Puis en 1911, il devient le premier champion incontesté de catch. Mais à la suite de la retraite de Gotch en 1913, le public, comprenant que le catch est autant un spectacle qu'un sport, commence à s'en désintéresser. Peu après la fin de la Première Guerre mondiale, Ed Strangler Lewis, avec l'aide de son manager Billy Sandow et de Joseph Toots Mons, comme promoteur, est connu tous les trois sous le nom de Gold Dust Trio, ont une vision différente du catch. Ils préfèrent mettre l'accent sur le spectacle. Ensemble, ils popularisent le catch par équipe et organisent leur compagnie avec des lutteurs travaillant régulièrement avec eux. Les catcheurs sont sous le statut de travailleurs indépendants. Ce statut permet à la World Wrestling Entertainment, ou WWE, de les assurer uniquement pour les blessures subies sur le ring et de s'éviter de payer davantage de cotisations sociales. Les catcheurs, payés au show, les multiplient pour enchaîner les cachets, y perdant parfois leur santé. Passons maintenant au catch au Mexique. Au Mexique, le catch s'appelle lucha libre, que nous pouvons traduire par lutte libre. On pratique la lucha libre au Mexique depuis 1863. Il s'agit alors d'une variante de la lutte gréco-romaine développée par Enrique Ugartechea. En 1933, Salvador Luteros González fonde la Empresa Mexicana de Lucha Libre, ou EMLL, qui va devenir la principale fédération du catch du pays. González se proposait un style rapide et athlétique, semblable à ce qui se fait alors au Texas. C'est aussi cette même année que le catcheur El Ciclón McKee est le premier à porter un masque durant ses combats. Le fait d'avoir des masques permet au public, désormais davantage concentré sur les personnages, de mieux comprendre qui est le technico, le protagoniste, et le rudo, l'antagoniste. En plus du côté coloré des masques, le style de catch pratiqué se distingue de celui des Américains, avec prise faite du côté gauche. En 1935, Rudolfo Guzman commence sa carrière, puis au fil des années, porte un masque argenté et se fait appeler El Santo à partir des années 40. Il devient le catcheur vedette au Mexique, gardant son masque, y compris lors d'apparitions publiques, et est l'acteur principal de nombreux films, devenant ainsi un personnage populaire, s'exportant hors des rings. Dans les années 60, les films mettant en scène El Santo ou son rival Blue Demon sont très populaires au Mexique. C'est à cette époque que le producteur Luis Enrique Vergara fait de Mil Máscaras l'acteur principal d'un de ses films. Il le choisit car il en froid avec El Santo et Blue Demon est alors blessé. Mil Máscaras qui est, si je ne me trompe pas, l'oncle d'un catcheur mexicain appelé Alberto Del Rio. Ceux qui connaissent la WWE et qui suivent la WWE doivent sûrement connaître Alberto Del Rio, qui était catcheur dans cette fédération il y a quelques années maintenant. Passons maintenant au Japon. À la fin du 19e siècle, Sorakishi Matsuda semble être, avec Shokichi Hamada, les premiers japonais à faire du catch. Matsuda y connaît un certain succès avec 2 combats face à Edwin Bibi, ancien champion du monde de catch as catch can, avec 1 victoire et 1 défaite. Hamada, lui, tente de faire connaître ce divertissement au Japon en faisant venir des catcheurs occidentaux, mais son entreprise ne connaît pas le succès. Durant l'entre-deux-guerres, le judoka Taro Miyake tente à nouveau d'organiser des spectacles de catch au Japon sans grand succès. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le catch devient populaire au Japon grâce à Rikidozan. Ce lutteur de sumo qui ne peut pas devenir un yokozuna en raison de ses origines coréennes décide de devenir catcheur et promoteur de sa propre fédération. Un yokozuna dans le monde du catch ou même dans le monde des sumo est un sportif, il me semble, japonais. Sa propre fédération à Rikidozan s'appelle la Japan Pro Wrestling Alliance ou JWA. Et il parvient à populariser ce divertissement que les japonais perçoivent comme un sport en remportant des combats face aux meilleurs catcheurs américains de son époque, comme par exemple Luth S., le célèbre créateur de la non moins célèbre prise Luth Express. Il s'y fait aussi connaître pour affronter des combattants tels que le judoka Masahiko Kimura en 1954. Le catch féminin, appelé Joshi Resu, contrairement à Puro Resu qui est le catch féminin japonais, là c'est le Joshi Resu, se développe aussi à la même période avec la création de l'All Japan Women's Pro Wrestling en 1955. Le 8 décembre 1963, un Yakuza, poignarde Rikidozan qui meurt d'une péritonite une semaine plus tard. Après la mort de Rikidozan, les dirigeants de la JWA décident que Shohei Giant Baba va devenir la principale vedette de la fédération. C'en est trop pour Antonio Inoki qui en a assez d'être dans l'ombre de Baba et fonde avec Hisashi Shinma la Tokyo Pro Wrestling en 1966. Cette fédération ne rencontre pas le succès et Inoki retourne à la JWA. En 1972, Inoki puis Baba quittent la JWA et forment chacun de leur côté leur propre fédération de catch. Baba crée l'All Japan Pro Wrestling qui propose un style de catch proche de celui des fédérations américaines de l'époque. De l'autre côté, la New Japan Pro Wrestling d'Inoki offre au public une expérience mêlant catch et arts martiaux. La New Japan Pro Wrestling ou NJPW qui est la fédération de catch japonaise la plus connue au monde. Passons maintenant à la France. Le catch connaît son apogée en France avant la Première Guerre mondiale, âge d'or européen de la lutte professionnelle, ou plutôt catch as catch can, comme elle est alors généralement nommée. Malgré les interdits fédéraux, le catch survit entre les deux guerres. Dans les années 50 à 70, les spectacles sont fréquents, notamment au Cirque d'hiver à Paris, dans des foires ou à l'occasion de galas spéciaux comme le 14 juillet. Les Français ont, à partir de 1952, la possibilité de suivre des combats à la télévision. Roger Couderc et Thierry Roland assurent généralement les commentaires des combats télévisés. Les grands noms français du catch sont Lange Blanc, Charles Helt de son vrai nom, André Le Géant, André Roussimoff de son vrai nom, le Tigre de la lutte René Chemoul de son vrai nom, le Bourreau de Béthune Jacques Ducrèze de son vrai nom, le Petit Prince Daniel Dubail de son vrai nom, Jean Corne, Zarak, Claude Roca, le Lion de Lorraine, André Drape de son vrai nom, Abdeslam El Alami, Robert Duranton, Chéri Bibi, Roger Trigeau de son vrai nom, ou encore Roger Delaporte. Souffrant d'une mauvaise réputation et d'un problème de renouvellement de génération, le catch connaît une crise entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80. Arrive alors un soubresaut dans les années 80 grâce à la télévision et à la chaîne Canal+, qui en 1985 achète les droits de la World Wrestling Federation, ou WWF, qui est l'ancêtre de la World Wrestling Entertainment, ou WWE, et plus tard, 4 de ses plus importants spectacles visibles aux États-Unis en paiement à la séance. Mais si cette période relance l'intérêt public du catch en France, elle impose aussi le style américain comme la référence, plaçant alors l'école française dans l'ombre. Canal+ diffusa l'émission WWF Superstars, ou WWF Superstar, puis WCW Nitro, ou WCW Nitro, de 1997 à 2000, et à nouveau, WWF Superstars, ou WWF Superstar, de 2000 à 2002. C'est ainsi que se termine cette deuxième partie sur la création du catch. Dans la prochaine partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des règles du catch. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguimozo.eu, tout attaché sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Notre porte est toujours ouverte afin d'échanger avec vous. Nous serions donc bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.